بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية يا اخوان افل لها والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. إذا جاء الأثر بطل النظر. cours dispensé en direct de Infik par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji حفظه الله. cours numéro 24 مسائل الاعتدال والسجود. La suite des critères observés en se relevant et la prosternation. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفاه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة أما بعد وإن شاء الله وبروسيدير à la révision du cours. Dans lequel on avait pris Taswiyat al-Arkan ou A'tidal min al-Ruku'. Donc Cheikh Al-Albani nous a fait part de ce qu'on a pu voir la semaine dernière, ou plutôt mercredi dernier, qui faisait partie de la sunnah de marquer un temps d'arrêt qui est équivalent dans les piliers de la prière. C'est-à-dire que la personne, lorsqu'elle marque un temps d'arrêt, après qu'elle ait lu, lorsqu'elle met un temps d'arrêt à ce moment-là, ou plutôt quand la personne est en recours, le temps d'arrêt qu'elle va mettre dans le temps de recours, il faut qu'il soit le même à peu près quand elle revient du recours. Ou bien quand il est en soujoud, ou bien quand il revient du soujoud. Qui nous rappelle du dalil qui prouve que cela est recommandé et qui fait partie de la sunna de faire cela, de marquer un temps d'arrêt équivalent entre les piliers de la salat. Elle est en dehors de la lecture et du tachahoud de Thani. Celui qui a une réponse, il lève la main, ou sinon, je vous donne la réponse. Donc on avait pu voir, barakallahu fikum, hadith al-Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous a fait part que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana idha raka'a, wa idha rafa'a min al-ruku'a, wa idha jalasa bayna sajdatayn, wa idha sajada, il marquait un temps d'arrêt qui était équivalent. Tamam. Excepté, il nous a dit, à l'exception du qu'oud ou al-ruku'. À l'exception du qu'oud ou al-ruku'. Qu'oud ou à la lecture. Et c'est-à-dire que lorsqu'il y a un besoin de miliser, ou plutôt qu'on était en ruku', quand il revenait du ruku', quand il revenait au côté en prostration, et quand il était entre les deux prostrations, il mettait un temps d'arrêt qui était équivalent, en dehors de quoi? De la lecture et du tachahoud al-thani, qui était beaucoup plus long. T'as-même, qui était beaucoup plus long. Est-ce que Zani, c'est une chose qu'il faut. Comme on a dit, c'est une sunnah. Parce que le fait qu'il nous dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela, ceci nous prouve que, au premier degré, son acte est, on juge de cela qu'il est recommandé. Kadhalika parmi qui fait partie de la sunnah, c'est, barakallahu fikum, c'est pas forcément de respecter ceci. C'est-à-dire que si jamais tu prolonges dans un pilier et tu le fais pas dans un autre, ça, kadhalika, ça fait partie de la sunnah, car ça a été authentifié, kadhalika, du fi'l de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu l'habitude de ne pas observer un temps équivalent entre les piliers. Comme cela a été rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alayhi, le hadith est muttafaqun alayhi, dans lequel il nous dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il a prié une prière dans lequel il a marqué un temps d'arrêt, il y en a énorme, lorsqu'il est venu de Rukou' et lorsque Barthlafikoum est revenu du Sujoud, il y en a entre les deux Sujoud, jusqu'au point qu'il disait Thabit, Naham, Alladi Yarwi, celui qui est le rapporteur, qui a rapporté ce hadith d'Anas, ou plutôt ce athar d'Anas, il disait jusqu'au point que la personne pouvait dire que Anas ibn Malik avait oublié dans sa prière. Anas s'était oublié dans sa prière. Et à la suite de cela, Anas ibn Malik a dit La alu anusalibikum kama ra'aytu au kama kana bi sasam yusalibina. Il dit je m'efforce, je m'évertue à prier de la manière dont le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec nous. Donc ceci nous prouve que la chose qu'il a fait, il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a marqué un temps d'arrêt énorme lorsqu'il est revenu de Rukou' et lorsqu'il était entre les deux prosternations. Sans pour autant marquer un temps équivalent pour le Rukou' et pour lorsqu'il était en soujoud. Donc ceci nous prouve que tu peux faire cela et cela. Tu peux observer un temps d'arrêt équivalent ou bien tu peux prolonger un pilier à d'autres. Sans pour autant observer un temps équivalent. Est-il légiféré de lire le Coran pendant Ar-Ruku' ou bien Sujoud? La preuve pour cela, comme tu as dit, c'est pas légiféré. Qui se rappelle du dalil? Il est interdit. Naam. Le hadith, si vous vous rappelez, hadith Ibn Abbas et Kadalika Ali. Naam. Hadith Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, dans lequel An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Ala inni nuhitu an aqra'a al-Qur'an sajidan aw raki'an. Il dit, n'est-ce pas que on m'a interdit de lire le Qur'an en recours ou bien en sujoud? Kadalka hadith Ali, dans lequel le Nabi sallam, c'est lui qui a interdit. Naha Nabi sallam an yuqra'a al-Qur'an fi sujoud wa al-ruku'. Et ces deux hadiths-là, ils sont fi sahih, yani authentifiés dans les deux recueils de Bukhari et Muslim. Donc ceci nous prouve que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il en est pour la personne qui lit, ou plutôt il y en a qui évoque des versets, des versets dans lesquels il y a des doigts. C'est-à-dire qu'il veut dire des doigts, il veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans son recours en utilisant les versets qui sont évoqués dans le Coran. Naam. C'est permis si son intention est de faire une doigt et pas de lire. Naam. Comme l'a dit, naam, il peut le faire à partir du moment où il y a tout repos sur la niya. Si jamais il a l'intention de lire ces versets-là où il y a des invocations, il rentrera dans l'interdiction. Mais si jamais il a l'intention de invoquer Allah Azza wa Jal, en prenant pour cela les meilleurs du'as, qui sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc de ce cas-là, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y en a, il doit observer pour cela, il y en a de changer quelques termes des versets, c'est-à-dire si il y a un mathalan, comme mathalan dans l'ayah, Rabbi junubni wa baniya an na'bud al asnam. Tamam. Au Seigneur, épargne-moi ainsi que ma descendance d'adorer les statues. Si jamais maintenant il dit, épargne-nous. Tamam. Rabbi junubna. Tamam. S'il dit, épargne-nous. Il a le droit de faire cela, laquelle? Pas la peine. Car les actes sont selon les intentions. Tamam. Donc tout repose sur la niya. Quel est le asl? C'est-à-dire, quel est la chose qui doit être faite en premier lieu lorsque tu es en recours? Est-ce les intentions, les invocations, ou bien est-ce le fait que tu glorifies Allah Azza wa Jal? La glorification. Naam. Glorifier, immensifier Allah Azza wa Jal. Quel est le dalil? Qui se rappelle du dalil? Naam. Quand on se lève, quand il se lève de Al-Muslim, lorsqu'il se lève, Barakulafikum, Kadalika, Naam. On va commencer par là. Parole du participant 85, ou la réponse. La parole qu'on se lève, c'est-à-dire lorsque tu dis Sami'a Allahu liman hamida, le fait qu'il t'a dit hamida, ça nous montre que tu as glorifié Allah Azza wa Jal. Yani, tu étais en recours, et pendant ce recours-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de glorifier. La preuve qui nous prouve cela, c'est que tu as dit liman hamida, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce celui qui l'a vénéré, qui l'a glorifié, qui l'a immensifié. Donc tu es en train d'immensifier Allah Azza wa Jal. Et kadhalika surat an-Nasr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Il a commencé Allah subhanahu wa ta'ala par la glorification, même par l'ordre, il a ordonné à son prophète de le glorifier et ensuite qu'il le demande le pardon. Et comme on peut prendre kadhalika le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit fabda'u bima bada Allahu bih. Commencez par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé. Et kadhalika le hadith qui est clair dans cela, c'est Hadith Ibn Abbas, dans lequel Annabi Sassoum il a dit Amma al-ruku' fa'azzimu fihi al-rab. Quand on ruku' glorifie Allah subhanahu wa ta'ala pendant al-ruku' glorifie Allah azza wa jal pendant al-ruku' mais comme on a dit, il est tout à fait possible d'invoquer Allah azza wa jal, mais il faut faire précéder la glorification et le fait d'immensifier Allah azza wa jal, car c'est ceci, c'est cela qui est demandé. Al-ruku' il a été légiféré pour cela. Quant au dalil qui nous prouve que tu peux invoquer, surat al-Nasr, فَسَبِّحْ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Qui peut nous rappeler un hadith de la sunna dans lequel il est évoqué qu'il est légiféré de pouvoir invoquer Allah Azza wa Jal pendant le ruku' qu'il a appliqué cette parole. Dans le hadith qui se rappelle du compagnon qui nous a fait part de ce hadith-là, et si possible la source dans laquelle a été évoqué ce hadith. Naam, Aïcha. Rapporté par qui? Naam. Il est muttafaqun alayhi. تمام حديث متفق عليه في البخاري ومسلم لوكال قالت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude de dire abondamment dans ses ركوع et dans ses sujoud سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تمام il a glorifié Allah عز وجل. تمام et ensuite il a dit Seigneur pardonne-moi اللهم اغفر لي. Donc ça c'est une demande. Et ceci nous prouve que, donc il est légiféré, laquelle il faut faire précéder la glorification à l'invocation. Dans le ruku'. Quel est le jugement de relever son dos après un ruku'? Ou bien de se redresser? C'est un pilier. Naam. Qui se rappelle du dalil? Naam. Dans le hadith, c'est celui qui ne savait pas prier. Dans lequel un homme lui a dit, ثُمَّ رْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِيلَ قَائِمَةً. Ensuite, lève-toi ou redresse-toi jusqu'à ce que tu te tiennes droit. T'as même pour cela. Donc le fait qu'Anabi Sassam lui ordonne et que ce hadith-là, il fait partie, il est évoqué dans le hadith dans lequel de celui qui va prier, comme on a pu le voir, t'as même. Donc ça fait de ce paragraphe-là, de ce texte-là, que c'est un pilier. Car tous les énoncés de ce hadith font partie des piliers de la prière. Ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, lui voit que si la personne elle en recours, et ensuite directement avant son soujoud, sans pour cela se redresser, il voit que sa prière elle est valide. Cette parole là, c'est une parole, un point de vue, t'as même une opinion qui est fausse. T'as même qui est fausse. Et il a pris pour cela la parole d'Allah Azzawajal. Ya yuha alladhina amanu, arka'u wasjudu. Ou vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. Il a dit Allah, il n'a pas dit pour ce. Relevé après le ruku', tamam. Lakin, comme l'a dit Ibn Qudama, tamam, le hadith, c'est une preuve qui nous prouve cela, et la sunna du prophète sallam, elle explique et elle éclaircit ce qui est évoqué tamam, de manière globale dans le Coran. Donc on fait précéder ce hadith-là, tamam, à l'opinion de Abu Hanifa et d'autres. Lakin, comme on a dit, l'excuser, inshallah, car. C'était pas quelqu'un qui est une personne qui était connue, un savant qui était connu, pour avoir de nombreux hadiths qui puissent le permettre de pouvoir avoir des opinions justes dans la jurisprudence. Comme l'a dit Ibn Hibban, كان يرفع 100 hadith, il a dit, il avait appris 100 hadiths. Parmi ces 100 hadiths, 90 de ces hadiths-là étaient yani daif, donc 10, et c'est très peu. Allah yarham. Il nous dit, wa yaqul fi athna'i. Al-i'tidal, sami'a Allah liman hamida. Et il dit ça, c'est une obligation. Tamam. Donc, on avait dit la semaine dernière, ou plutôt, Yannick, on allait approfondir la recherche par rapport à cela. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Tamam. Yannick, le jugement est tel que l'a dit Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et le hadith qui m'a échappé, c'est le hadith dans lequel, qui est rapporté par Abu Dawood, et authentifié par Sheikh Mohammed ibn Hazam ou Sheikh Al-Albani. Tamam. Rahimahullah al الموت منهم وحفظ الأحياء. تمام. Dans lequel il a dit, ou plutôt il a dit Nabi Sallam, إنه لا تتم صلاة أحد من الناس. Ensuite il a évoqué, il a dit ثم يقول أو ثم يقول فيه سمع الله لمن حمده. Nabi Sallam dans ce hadith là, il a évoqué les choses par lesquelles se valide la prière. Il a dit la prière de l'un d'entre vous ne sera complète qu'à partir du moment où il fait ceci, cela, c'est-à-dire il a décrit la prière, et parmi ces choses-là, c'est qu'il a dit, il doit dire Samir Allah ou Liman Hamida. Tamam. Donc ceci nous prouve que ceci est une obligation. ceci est une obligation. Car Nabi Sofam l'a dit, la tatim. Ceci est une obligation. Donc, l'imam comme celui qui prie individuellement doivent dire Samir Allahu liman hamida, et s'il délaisse, c'est un péché. À partir de quel moment il doit dire Samir Allahu liman hamida? Lorsqu'il s'est relevé ou bien? À partir de quel moment il doit dire ça? L'imam est celui qui prie individuellement, et kadalika, celui qui prie, celui qui est présidé. À partir de quel moment ces trois personnes doivent dire Samir Allahu liman hamida? Quand il veut se relever du ruku'. C'est pour qui ça? C'est qui il? Le pronom personnel utilisé pour le singulier à la troisième personne, comme ils disent, du singulier il. Qu'est-ce que vous voulez dans votre parole lorsque vous avez dit il? C'est quand il se relève. Lakin, je veux savoir c'est qui il. L'imam, c'est celui qui prie tout seul. Il va un petit peu dans ma question, car je vous ai dit, pas le président. Celui qui est présidé, il ne doit pas le dire. Que ce soit au moment où il se lève ou que ce soit après. Lorsqu'il est debout. Il ne doit pas le dire, il doit dire Rabbana wa lakal hamd, comme on va le dire, comme on va le voir plutôt. Donc ça c'est une obligation qui est, na'am, incombe l'imam et celui qui prie tout seul. Il nous dit que dalika yarfa yadah 'inda al-i'tidal 'ala al-wujuh al-muqaddamah al-mutaqaddimah. Il nous dit qu'il est légiféré pour cela qu'il lève les mains, comme on a pu le voir dans quoi? Takbiratu al-ihram. Na'am. C'était le participant 85. J'avais dit que j'allais ramener les hadiths qui prouvent cela. Comme quoi que tu peux lever ta main. Au moment après et naam, avant que tu dises Samir Allahu liman hamida, si je me rappelle bien. Ce qui nous prouve cela, hadith Ibn Umar. رضي الله تعالى عنهما كي دون في الصحيحين يعني دون البخاري ومسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع النبي صلى الله عليه وسلم يفزل التكبير ومو كيفزل الركوع يعني الركوع ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده نبدو سوى حديث ليلة مخيك النبي صلى الله عليه وسلم يفزل التكبير ومو إلى الركوع et au moment où il se relevait pour dire Samir Allahu liman hamida. C'est ma'rouf que le takbir, ou bien lorsque tu lèves la main, c'est légiféré avec le moment où tu dis « takbir ». Car comme on va le voir, inshallah, avec la parole de l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, tu dis le takbir et tu lèves la main, car il y a dans le takbir, un ta'zim, c'est-à-dire que tu immensifies Allah Azza wa Jal par ta parole. Et dans le fait que tu élèves les mains, tu as le saïd, et tu immensifies Allah subhanahu wa ta'ala par tes membres. Car comme c'est ma'rouf, il y a certaines personnes, hatta tu vois dans ce bas monde, lorsqu'ils veulent vénérer une personne et comme la glorifier et la khiri, ils lèvent la main. Comme c'est le cas, yani, comme on peut le voir yani, pour certains yani, footballeurs ou bien certains yani, sportifs, tamam, lorsqu'ils veulent vénérer, lui faire une innovation, zakallah khair. Tamam. Yani c'est ma'rouf, yani ils font ça, ils lèvent la main. Ils lèvent la main. Donc il y a dans le takbir et dans le fait de lever la main, un ta'zim qui est fait pour Allah Azza wa Jal. Et c'est ma'rouf, yani à partir du moment qu'il était légiféré takbir, il était légiféré kadal kash, le fait de lever les mains, comme on dit, le ulama, comme c'est le cas de Sheikh Al-Uthaymin et de Sheikh Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. Et dans ce hadith-là, il nous dit, hina yarfa, au moment où il se levait. C'est-à-dire, lorsqu'il commence à se lever, avant qu'il soit debout, il faisait takbir, et à ce moment-là, Kazalika était légiféré de faire, de lever les mains. Un hadith qui est beaucoup plus sadir sur ça, hadith yani Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu ta'ala anhu, qui est Kazalika fi sahihay, Bukhari wa Muslim, lakin je l'ai vu dans Bukhari wa Muslim, dans lequel il nous a dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم, إذا أراد أن يركع, رفع يديه. Lorsque le prophète sallam voulait aller en recours, il levait ses mains. Ça, on a pu le voir. قَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ. Et lorsqu'il levait sa tête du recours, il levait كَذَلِكَ les mains. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il a levé sa tête, à partir de ce moment-là, ce hadith-là nous prouve qu'il est possible de lever les mains. C'est-à-dire de dire سَمِعَ اللَّهُ ou plutôt de lever les mains avant que tu sois totalement redressé. إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. Lorsqu'il levait sa tête du recours ou se redressait du recours, il levait ses mains. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حظ من كبي وكان يفعل ذلك مثله في الركوع وكذلك حين أن يرفع تشو حديث له كذلك كي من البخاري ومسلم il nous évoque ابن عمر que le prophète صلى الله عليه وسلم il levait sa main même au moment il faisait le takbir كان يرفع يديه حين يكبر au moment il faisait le takbir il levait ses mains jusqu'au point de le mettre à l'auteur de ça de ses épaules et il faisait la même chose pendant le recours lorsqu'il revenait du recours pendant le recours c'est-à-dire lorsqu'il disait Allahu Akbar pendant le recours et lorsqu'il disait Sami'a Allahu liman hamida lorsqu'il revenait du recours donc ces trois hadiths là ils nous prouvent qu'il est tout à fait possible de pouvoir lever les mains avant d'être totalement redressé et comme l'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala c'est tout à fait possible de faire cela de trois mains hatta Cheikh Al-Uthaymin dans Sharh Al-Bukhari dans l'explication des hadiths là que je vous ai évoqués, il nous a dit qu'il est tout à fait possible à la personne de faire de trois manières différentes. C'est-à-dire, avant qu'il ait dit « Sami'a Allahu liman hamida », il lève ses mains, ce moment il dit « Sami'a Allahu liman hamida ». Mais avant qu'il se redresse, parce qu'on a vu que « Sami'a Allahu liman hamida », tu dois le dire au moment où tu te redresses. Après qu'il ait dit « Sami'a Allahu liman hamida », c'est-à-dire qu'il soit debout. Parce que tu peux que lever les mains, ou après avoir dit Sami'a Allahu liman hamida, à partir du moment où tu seras debout. Parce que lorsqu'il se redresse, il dit Sami'a Allahu liman hamida. Lorsqu'il a fini, généralement on voit que la personne, lorsqu'elle a fini de dire Sami'a Allahu liman hamida, il se tient debout. Donc c'est-à-dire, au moment où il va dire quoi Rabbana wa lakal hamd. Ou bien au même moment où il dit Sami'a Allahu liman hamida. Au moment où il dit Sami'a Allahu liman hamida. Car on a dit dans le hadith, il y a un hadith Ibn Umar, wa kan yafhad zalika mithluhu. Il faisait la même chose dans le recours et dans lorsqu'il est revenu du recours et lorsqu'il revenait par kazalika barlofikum lorsqu'il revenait de tashahhud à l'awwal et le fait qu'il nous dit mithluhu il faisait la même chose qu'il faisait pendant quoi takbirat al-ihram et comme on a pu le voir trois manières ont été légiférées pour cela on a pu le voir inchallah dans takbirat al-ihram parmi les choses qu'on a pu voir kazalika barlofikum c'est que lorsque l'imam il est tout à fait droit donc, lorsqu'il s'est redressé, il doit dire Sami'a Rabbana wa lakal hamd. Il doit dire Rabbana wa lakal hamd. Et ça, c'est un dhikr parmi les adhkars qu'il est légiféré de faire pour la personne qui s'est redressée. Qui s'est redressée du ruku'. Et comme on a pu le voir, ceci est une obligation pour qui ? Le ma'moum, celui qui est présidé, il doit dire Rabbana wa lakal hamd. Quel est le jugement de dire Rabbana wa lakal hamd pour celui qui est présidé ? Obligation. Votre dalil ? Naam. Le dalil c'était Barakallahu fik. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kabbara al-imam fa kabbiru. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida fa qulu Rabbana wa lakal hamd. Lorsqu'il dit sami'a Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est un ordre. Et l'ordre, c'est ma'ruf. Il n'implique que de la chose qu'elle est une obligation. Il n'y a rien qui dévie le jugement d'obligation vers autre chose. Donc ça, c'est la preuve qui nous prouve cela. Ensuite, il y a quatre manières de pouvoir dire Allah wa Rabbana wa lakal hamd. Qui se rappelle des manières légiférées pour cela? En disant Rabbana lakal hamd. Ou avec le waw au milieu. Wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. نعم ربنا ولك الحمد أحسنت ولا même chose mais avec اللهم devant اللهم ربنا ولك الحمد نعم أحسنتما quatrième c'est la même chose pour les deux que tu as pu évoquer précédemment donc tu peux dire ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد كل اي لا ميير برك فيكم دي فيرسون كي نعم كون بو دير سي سا اللهم ربنا ولك الحمد pourquoi as-tu choisi cette version ou plutôt cette manière de faire là cette formule à autre pourquoi elle est-elle meilleure celle où il y a plus de mots نعم لكن pourquoi je vous avais évoqué deux deux choses. Et je veux rajouter une troisième. Ça rajoute, c'est pas le même sens. Lorsque tu dis Rabbana wa lakal hamdul waw, t'aimes le waw, il faut le ramener. T'aimes le waw, le fait que tu dises Rabbana wa lakal hamd, c'est mieux que la parole Rabbana lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd. Parce que lorsque tu mets le waw, comme on a pu le voir, comme ils ont dit les savants d'Al-Balagha, ils nous disent que le fait que tu rajoutes dans le bina, tu rajoutes des lettres, ça rajoute une ziyada fil ma'na. Comme ils disent, al-ziyadatu fil bina, al-ziyadatun fil ma'na. Le fait que tu rajoutes des lettres, ça va rajouter dans le sens. Et non, le sens, il n'est pas le même. Car lorsque tu dis Rabbana wa lakal hamd, c'est comme si jamais tu disais Yani hamadnaka ya Rabbana, nous t'avons loué, mon Seigneur, wa lakal hamd. Et la louange t'appartient. Mais si jamais tu dis Rabbana lakal hamd, c'est comme si tu disais Yani, mon Seigneur, la louange t'appartient. Donc là, tu dis, la louange t'appartient et nous t'avons loué. Donc il y a un rajout du sens, nous t'avons loué. Rabbana, ey, hamadnaka, wa lakal hamd. Mon Seigneur, nous t'avons loué et la louange t'appartient. Kadalika, parmi les sens qui est contenu dans le waouh, lorsque tu dis Allahumma, Rabbana wa lakal hamd, ou Rabbana wa lakal hamd, comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est que le fait que tu dises waouh, que tu lis le waouh avec la chose qui est avant, et la chose qui est avant le waouh, c'est quoi Rabbana? Et il nous dit Rabb, c'est qui? C'est Al-Malik. C'est le souverain. C'est celui qui détient la royauté dans ses mains. Donc le fait que tu lis la phrase qui est après le waouh à ce qui est avant le waouh, c'est comme si jamais tu ramenais le sens qui est inclus avant le waouh après le waouh. C'est comme si jamais tu avais dit Rabbana. Tamam. Wa laka alhamdu wal mulk. C'est comme si tu avais dit Rabbana laka alhamdu wal mulk. Parce que tu apportes le sens qui est avant le waouh, après le waouh. Lorsque tu lis entre deux choses, ça implique cela. Tamam. Donc c'est comme si jamais tu disais Mon Seigneur, nous t'avons loué, à toi appartient la royauté et la louange. Tamam. Donc il y a beaucoup plus de sens. Car Rabbana, c'est celui qui détient la royauté, c'est le souverain qui a le royaume entre ses mains. Tamam. Wakadalika, yani, ça implique tous les sens de la seigneurie d'Allah Azawajal. Que ce soit le fait qui pourvoit, le fait qui donne la vie, le fait qui donne la mort, le fait qui gère l'univers. Yani, tous les sens et tous les actes, les plus beaux et les plus parfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc ça englobe tout cela. C'est comme si tu ramenais tous les sens de la seigneurie qui appartient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lorsque tu dis Rabbana wa lakal hamd, c'est comme si tu dis la louange t'appartient. Et tous les sens de la Seigneurie t'appartient à nous, tout ce qui est, et tous les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une ziyada dans le ma'na qu'il y a dans le waouh. Donc, Inch'Allah, à méditer lorsque on doit dire Rabbana wa lakal hamd, que notre cœur et notre langue convergent et qu'elles sachent, yani, qu'on est en train de glorifier Allah azawajal et de faire l'éloge de sa Seigneurie subhanahu wa ta'ala. Naam. Inch'Allah. Ça, c'était parmi les invocations qu'il est permis de dire. Comme je l'avais dit le mercredi, qu'il y avait d'autres doigts pour cela. Rabbana wa lakal hamd, ça c'est une obligation. Tu dois dire Rabbana wa lakal hamd pour celui qui est présidé. Amma celui qui est imam, Wallahu a'lam, katalika, ça demande gagner quand on approfondit le sujet par rapport à cela, car il n'y a pas de preuve qui nous prouve que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Amma sami Allahu liman hamida, na'am. Amma Rabbana wa lakal hamd, c'est pas ma'ruf. Ou ça a été connu que Nabi Sussam, il l'a fait. Le fait qu'il le fasse, il est le premier degré, comme on a dit, c'est quoi? C'est que c'est recommandé. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakul sami'a Allahu liman hamida, hayna yarfa' wa yakul, wa huwa qa'imun, Rabbana wa lakal hamd. Et il disait, lorsqu'il était debout, Rabbana wa lakal hamd. Donc il disait, il faisait. C'est pas un ordre, mais c'est une information de ce que faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous prouve que la recommandation est non autre chose. À partir du moment où il n'y a rien qui nous prouve le contraire. Donc, Inch'Allah, on va approfondir cette recherche-là et on vous fera part de la réponse si on la trouve, Inch'Allah Ta'ala, vendredi ou plutôt mercredi prochain, ou plutôt lundi prochain, je veux dire. Donc, il y en a parmi les adhkar, parmi les invocations qu'il est permis de dire, ce qui a été rapporté, fi sahihayn, dans le recueil de Bukhari al-Muslim, selon Abu Huraira, c'est-à-dire après que tu as dit, Rabbana wa lakal hamd, pour celui qui est présidé. Kadhalika, pour celui qui est imam ou qui prie individuellement. Car même si jamais c'est une recommandation, jusque-là, c'est pas pour ça qu'il faut délaisser. Donc il est permis de rajouter après cela. Et ça, c'est, ça fait partie des sunnahs. Ça, c'est sunnah et c'est pas une obligation. Si jamais tu te limites à dire arabe, banawak alhamd, et ensuite tu vas en rukou', alhamdulillah, tu as fait yanné ce qui était demandé. Tamam? Non, on oublie une chose. Quel est le jugement quant au fait de se tenir debout, se redresser? Comme on a dit, le fait que tu te relèves, ça fait partie de rukun. Mais le fait que tu sois debout, tu te tiennes debout, tamam? Qu'il y a un apaisement lorsque tu es debout, est-ce que ceci est un pilier ou pas? C'est-à-dire que tu dois marquer un temps d'arrêt pour qu'on sente que n'arme. Pilier aussi, se tenir debout. Yani, il doit avoir un apaisement lorsque tu es debout, c'est-à-dire au moins tu ramènes Rabbana ou Alak al-Hamd, ensuite tu vas rukou'. Mais si jamais tu fais comme le cas, la façon de picorer, tu t'es à peine relevé que tu es déjà en rukou' ou en train de descendre. Non. Il faut que tu marques un temps d'arrêt. Car le Messie me l'a dit, حتى تطمئن قائما, jusqu'à ce que tu sois apaisé lorsque tu es debout. Donc parmi l'adkar qui est bon de dire, qui est recommandé de dire, qui fait partie des sunnah, c'est que tu dises après que barakallahu fikoum, tu t'es redressé, que tu t'es mis debout, comme on a dit sami'a Allahu liman hamida. Ensuite tu dis yani rabbana wa lakal hamd. Et il y a un mérite dans cela, c'est le même mérite qui a été évoqué dans le lorsque tu dis amin. Car le prophète sallam nous a dit فَمَنْ وَافَ إِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Celui dont la parole correspondra, c'est-à-dire le fait qu'il dit رَبَّنَا وَكَ الْحَمْدِ, c'est-à-dire la louange, celui dont la louange correspondra avec la louange des anges, et en il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Donc il y a comme dans le fait de dire رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ, une grande faveur et un grand bien, c'est que tu te verras, Inch'Allah, pardonner les péchés antérieurs. Donc ceci nous rajoute, l'affirmation que cette chose-là est une recommandation à ne pas délaisser. Pour l'imam et l'individu en main, celui qui est présent, c'est le wajib ali. Donc il ne faut pas qu'il délaisse cela, car lorsqu'il délaisse cela, il est en train de délaisser le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Ses petits péchés. Les petits péchés, comme on a pu le voir, car les grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne dans la vie d'ici-bas que par tawbah, que si jamais tu te repentis. Donc yani, lorsqu'on sait que Al-Insan fait comme il fait des péchés jour et nuit, comme l'a dit Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, ou plutôt le hadith al-Qudsi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar, vous faites des péchés jour et nuit. Donc la personne elle a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui explique ses péchés. Voici une porte et une main qui est tendue pour celui qui pêche et pour tout le monde, car tout béni Adam son pécheur. Une main tendue pour celui qui pêche, car Allah subhanahu wa ta'ala lui explique ses péchés antérieurs. Donc il ne faut pas délaisser cela, ayyuha l'ikhwa. C'est une chose qu'il ne faut vraiment pas délaisser. L'imam Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous fait part que même si jamais ces péchés-là, plutôt yanné, je veux dire, le fait que tu dis sami'a Allahu liman hamida, que ta louange correspond avec la louange des malaïkas, même si jamais ceci n'efface pas les grands péchés, dans la vie d'ici-bas, il nous dit que ça sera une cause, même ces choses-là là, seront une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te les pardonne yawm al-qiyamah. Ce n'est pas une chose par laquelle yani, ça va effacer tes péchés dans la vie, les grands péchés dans la vie d'ici-bas, lakin yawm al-qiyamah. Celui qui aura dit beaucoup de fois Amin, celui qui aura Bartlo fikum, dit yani alhamdulillah ou plutôt rabbana wa lakal hamd, celui barakallahu fikum kadalik yani qui aura yani toutes les choses yani qui aura pris quand c'est fait le siyam de arafa de ashura, toutes ces choses là qui nous prouvent que c'est une expression des péchés, tamam, yani ces péchés, ces petits péchés seront pardonnés, et kadalika si jamais il a des grands péchés, il rencontre Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah avec des grands péchés, le fait qu'il a fait ces choses-là, même si jamais ça lui a pardonné ses petits péchés, ça sera kadalika une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse kadalika lui pardonner les grands péchés yawm al-qiyamah. Amma fi dunya, c'est-à-dire que même si jamais il aura fait beaucoup de fois ces choses-là, ces causes, il y en a qui expient les péchés, abadan il verra, ce sera une chose qui va lui effacer ses péchés dans la vie d'ici-bas. Ses grands péchés dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'il va rencontrer Allah azza wa jalla, celui qui aura fait des grands péchés sans se repentir, il rencontrera Allah azza wa jalla avec ses grands péchés. Donc yani, il sera problème qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie ou il le pardonne. Ama celui qui aura fait beaucoup les causes, il y en a pour que ses péchés soient expiés, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, ça sera une cause en plus, il y en a afin qu'Allah azza wa jal, il lui pardonne le grand péché, yawm al-qiyamah, pas fi dunya, yawm al-qiyamah. Donc c'est une chose vraiment à ne pas délaisser. Et certains ulama ils disent que si jamais la personne n'a pas de petits péchés, et bien ces choses-là là, qui sont des causes d'expiation, avant khafaf, c'est-à-dire avant diminuer le degré de ces grands péchés. Donc ça c'est le premier chose qu'il fallait ajouter par rapport au dua lorsque tu te reviens du recours. C'est que Rabbana walakal hamd, c'est une cause pour que tes péchés soient expiés. Les petits péchés soient expiés dans la vie d'ici-bas, ou bien que les grands péchés soient allégés dans la vie d'ici-bas, ou bien que, barakallahu fikum, que tes grands péchés soient pardonnés, et ce soit une cause pour que tes grands péchés soient pardonnés, yawm al-qiyamah. Comme l'a dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, parmi les du'a kazalika qui sont authentifiés, comme c'est le cas du hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu fi sahih muslim, dans lequel nous a dit qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا رفع من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude, lorsqu'il est revenu au recours, après qu'il a dit Rabbana wa lakal hamd, qu'il a rajouté à cela, mil as-samawat, yani que la louange remplit les cieux et la terre, mil as-samawat wa l'ard, wa mil ama baynahuma, et qu'elle remplisse cette louange-là à laquelle j'étais fait pendant le recours, yani qu'elle remplisse, barakallahu fikum, ce qui est entre les cieux, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, et kadhalika, que ce soit une louange qui est rempli, qui soit à la hauteur des choses que tu fais, des choses qui te sont louables parmi les choses que tu as créées et parmi les choses que tu créeras. Donc comme nous l'a dit l'imam Mohammed ibn Harras dans l'explication de Al-Wasitiyya, il dit Allah subhanahu wa ta'ala yuhmadu ala mahamidihi al-muhaqqaqa wa ash al-muqaddara. Al-muhaqqaqa, c'est-à-dire les choses dont Allah subhanahu wa ta'ala il est louable parmi les choses qu'on connaît. Parmi les choses qu'on connaît. Et il dit wal muqaddara, celles qui sont sous-entendues, c'est-à-dire les choses que nous ne connaissons pas. Et certains ulama disent que c'est les choses yani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore créées, mais qui va créer. C'est-à-dire que tu le loues pour tout ce qui est louable, parmi les choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas encore yani, créées. Donc lorsque tu dis mil as-samawat, wa mil al-ard, wa mil ama baynahuma, wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, tu loues Allah Azza wa Jal d'une louange pour les choses qu'il est louable, parmi les choses que tu connais ou que tu ne connais pas, ou parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créées. Donc vous voyez, il y en a au tel point que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les louanges à Allah Azza wa Jal d'une manière vraiment d'une haute sollicitation. Donc le cœur, Inch'Allah, il faut qu'il soit présent lorsque la langue prononce ces genres d'invocations, plutôt de glorification. Car Yanni, c'est Yanni, vraiment Yanni, comment ça s'appelle, une glorification qui est d'un haut degré. Voilà. Et la louange remplit la balance, et la balance des bonnes œuvres. Car la louange qui est vouée à Allah Azza wa Jal, elle est d'une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi elle remplit la balance des œuvres. Comme on peut le voir là. قال وفي الصحيح كذلك parmi les invocations à dire في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Dans cette كذلك glorification qui voit Allah عز وجل, dans lequel le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Ça on a pu le voir. أهل الثناء والمجد, tu es celui qui est digne d'être loué et d'être glorifié. La chose la plus grande et plus en droit qui revient au serviteur de dire et nous sommes tous et nous sommes tous Allahumma la mani'a lima ataita Allahumma il n'y a personne qui peut empêcher une chose que tu as donnée. Wala mu'tiya lima mana'ta. Et il n'y a personne qui peut donner une chose que tu n'as pas décrétée. Wala yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Et c'est le fortuné ou la fortune du fortuné ne vaut rien auprès de toi. Tamam, yani ça ne changera rien. Tamam, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété parmi les malheureux, sa fortune ne fera c'est pas la fortune qui va changer ce décret là. Tamam, lakin c'est la ibadat. Donc kadhalika, ça fait partie barakallahu fikoum des grandes glorifications de la grande louange qui voit Allah azza wa jalla. C'est une chose qu'il faut yani dire, il faut dire tamam lorsque tu reviens dans le record. Yani tu reconnais la seigneurie d'Allah azza wa jalla et que c'est lui qui donne et c'est lui qui qui retient. Tamam, comme قال subhanahu wa ta'ala yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala te veut un mal, tamam, il y a personne qui peut l'enlever. Wa yuridka bi wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Si Allah te veut un bien, personne ne peut te l'enlever. Comme dans le hadith كذلك وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله على نعم لك وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في حديث ابن عباس في ترمذي. Donc dans ce hadith là, dans ce grand hadith là qui nous montre tamam la royauté d'Allah عز وجل et que c'est lui qui a le dernier mot sur toute chose et le décret, tamam, il a dit, yani, si Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien si la umma, la communauté entière, yani, voulait un bien pour toi, un peu, ce bien-là ne peut te toucher que si Allah l'a décrété. Et kadhalika le mal. Si Allah subhanahu wa ta'ala te veut un mal, ou plutôt si la communauté te veut un mal, ils ne peuvent te faire de mal à partir du moment où si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. فَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبَلُ وَمِنْ بَعْدَ. L'ordre, il appartient à Allah azza wa jal, tamam. Daïman, toujours. Parmi kadhalika les du'a qui est bon de dire, après le recours, lorsque tu es redressé, c'est de dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, falamma insarafa, qala man il mutakallim, qala ana. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Donc ce hadith là qui est authentifié par l'imam al-Bukhari, ou plutôt dans le cas de Bukhari, l'imam al-Bukhari, selon Rifa'a ibn Rafi' al-Zuraqi radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Sami'a Allahu liman hamida, une personne derrière lui qui était présidée dans la salah a dit Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Seigneur, nous t'avons loué et à toi appartient la louange et la royauté. D'une louange, yani, nous te louons abondamment, yani, de la meilleure des manières et de la plus bénite des manières. Et Nabi Sosem l'a dit, qui a dit cela? Après qu'il ait fini la salah, la personne qui l'a dit a dit, c'est moi. Il a dit, j'ai vu une trentaine d'anges s'empresser à écrire yani, cette dua-là, ou plutôt cette glorification. Donc ceci nous prouve que si les anges s'empressent à l'écrire, à vouloir l'écrire, tamam, ils s'empressent sur cela, ils s'encourent dans cela, ceci nous prouve qu'il y a un Yahesh, ça montre y a le haut degré de cette glorification. Wakadhalika, comme cela a été rapporté par Naham, Barzafikum, par Abu Hurayra, si je ne me trompe pas, Naham, radiallahu ta'ala anhu, Ibn Abbas, afin. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit la même chose que Hadith Abi Sa'id al-Khudri, c'est-à-dire le premier, dans lequel, ou plutôt le deuxième que je vais évoquer, troisième, Rabbana walakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla thanay wal majd haqqan ma qala al-'abd kullaka al-'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Sauf que dans ce hadith là d'Ibn Abbas, il a été rajouté quoi? Allahumma rabbana walakal hamd. Et ensuite le hadith, yani, comme il a été évoqué dans le hadith d'Abi Sa'id. Donc voici les choses qui sont légiférées de dire après al-ruku'. Après al-ruku', lorsque tu t'es redressé, après que tu aies dit Rabbana walakal hamd. Tamam. Donc ces dua-là, pour celui qui a la capacité, Inch'Allah, c'est bon de les, barakallahu fikoum, de les apprendre afin de glorifier Allah Azza wa Jal d'octroyer, de se voir octroyer pour cela, yani il est au rang de ceux qui glorifient Allah Azza wa Jal. Car comme a dit Ibn Abbas, si je me rappelle bien, qala alhamd shi'ar al-mu'minin, le fait que tu glorifies Allah Azza wa Jal, glorifier Allah Azza wa Jal, c'est l'emblème des mu'mins. Donc les mu'minoun, c'est ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala katiran, abondamment. Parmi les masailles, les choses qui était bon d'évoquer avant qu'on rentre dans le sujoud, la mas'ala, est-ce que tu dois rabattre tes mains lorsque tu t'es relevé du ruku' sur ta poitrine, plutôt sur ton corps, ou bien tu dois laisser tes bras, yani bras ballants, c'est-à-dire que tu les rabats pas sur ta poitrine. Les savants ont divergé sur cela. L'avis de la majorité des savants, comme l'a évoqué Cheikhana Mohamed ibn Hizam, hafidhahullah ta'ala, et c'est l'avis sur lequel penche l'imam al-Albani, c'est que la personne, lorsqu'elle revient de recours, elle doit laisser ses bras ballants et ne pas les rabattre sur son corps. Et de ne pas les rabattre sur son corps. Quel est le dalil de cela? Ils disent il n'y a pas de dalil. Il n'y a aucun dalil qui nous prouve que la personne peut rabattre ses mains sur son corps. Ça, c'est ce qu'ils ont prétendu. Il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Ils disent, donc, yani, al-asl. C'est-à-dire, à la base, si jamais ceci n'a pas été évoqué, donc, yani, le insan, il reste naturellement comme il est en dehors de la salat, en dehors de la prière. C'est-à-dire que la posture dans laquelle il est observé chez les gens, en dehors de la prière, c'est que les bras, ils sont ballants. Les bras, ils sont ballants. Donc, il reste comme, il doit observer la même posture, ils disent, qu'il observe lorsqu'il n'est pas en prière, c'est-à-dire les bras tout au long du corps. Et ils nous disent, yani, ils ont fortifié cela en disant que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il n'a pas fait cela. Et kadhalika, les rapporteurs de la description de la prière, ils ont été yani, vraiment précis dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout décrit. Le fait qu'ils n'ont pas décrit cette chose-là, c'est-à-dire où la main doit être après al-rukur, il dit, si jamais vraiment un Nabi sallam, il remettait ses mains sur son corps après qu'il est revenu du rukur, les rapporteurs, ils l'auraient évoqué. Car ils l'ont vraiment précisé d'une manière bien détaillée la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont pris pour cela deux avis. Premier, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Donc tu restes comme tu es en dehors de la prière. Deuxième, c'est que ceux qui ont rapporté les hadiths, ou plutôt la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prière, ils n'ont pas évoqué cela. Tout en sachant, quand même, qu'ils ont décrit la prière d'une manière bien précise. Donc le fait qu'ils n'ont pas ramené cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas cela. Le deuxième avis, qui est que la personne, ceux qui prient, doit rabattre ses mains sur son torse, ou bien plutôt sur son corps, comme on a pu le voir, parce qu'il n'y a rien qui nous prouve cela. Le hadith qui a été évoqué par source là, comme on avait pu le voir, si vous vous rappelez, il n'est pas authentique. Donc ceux qui disent cela, il y en a ceux qui disent que tu peux rabattre ta main sur ton corps, c'est-à-dire sur la partie de ton corps, pas forcément sur la poitrine, comme on a pu le voir, barakallahu fikum. Ils ont pris pour cela un hadith qui a été rapporté par l'imam muslim, on a pu le voir, dans lequel un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, kana nas yu'maruna an yada'u aïdiyahum al-yumna ala al-yusra fi salah. Les prières ont été ordonnées de rabattre leurs mains ou la main droite sur la main gauche pendant la prière. Les imams Ibn Baz ou Sheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhima ont dit par rapport à ce hadith là, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué dans ce hadith qui a rabatté ses mains, la main droite sur la main gauche, dans la prière. Et ils nous disent plutôt, que la prière, elle a été décrite d'une manière bien précise. Ils veulent dire par là que l'endroit où tu dois mettre tes mains, ta main droite sur la main gauche, pendant la prière, elle est bien connue. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il diffuse salat, c'est-à-dire qu'il y aura les âmes, ou plutôt, il est ordonné de rabattre sa main droite sur la gauche, pendant la prière. Il nous dit, si jamais tu prends d'apparence le texte, c'est-à-dire dans la prière, dans tous les endroits de la prière, tu dois rabattre ta main droite sur la main gauche. Mais ce n'est pas le cas. Car disent les rapporteurs du hadith, des hadiths sur la description de la prière, ils ont bien précisé la prière. Il nous dit lorsqu'il dit la salah, c'est-à-dire la prière, elle est composée de quoi? D'un qiyam, tu te tiens debout, d'un ruku', que tu reviens de ruku', que tu vas en bartofikum, en sujoud, lorsque tu es en sujoud, lorsque tu es entre les deux sujoud, lorsque tu es en tashahhud. Il nous dit c'est ça, yani plutôt les endroits de la prière. Donc il nous dit on va procéder par élimination. Yani c'est la parole de l'imam Ibn Baz ou kazalika Sheikh Al-Uthaymeen. Il nous dit on procède par élimination. Est-ce que tu dois rabattre ta main droite, tu dois mettre ta main droite sur la main gauche lorsque tu es en sujoud? Non. Car yani ça a été bien décrit la manière dont les mains doivent être, c'est-à-dire au sol. Est-ce que c'est lorsque tu es entre les deux sujouds? Non, kazalika. Pourquoi? Parce que les mains doivent être quoi? Sur les genoux. Est-ce que kazalika c'est lorsque tu es en teshahoud? Non. Parce que ta main, tu dois yani pointer ta main vers la qibla, ta main droite. Aqal shay. Donc c'est pas possible. Est-ce que c'est lorsque tu es barakallahu fikum en ruku'? Non. Car les mains, comme on a pu le voir, doivent être sur les genoux. Est-ce que kazalika, naam, il manquait quoi? Naam, on a fait toutes choses. Ils disent donc il manque plus que quoi? Lorsque tu es en train de lire, après que tu as fait takbirat al-ihram, et lorsque tu es revenu du ruku'. Ils nous disent, dans ces deux endroits-là, ça n'a pas été, ou plutôt ça a été dans le premier endroit, c'est-à-dire lorsque tu es debout, lorsque tu lis, ça a été évoqué. T'as même qui faisait ça. Lorsqu'il venait du ruku', rien n'a été évoqué. Lakin, le fait que le hadith, il est ram, il est général, le prophète me dit, yani, qu'il mettait la main droite sur la main gauche, lorsqu'il était en prière, donc il ne reste plus que quoi? Lorsque tu viens du ruku' et lorsque tu es quoi? Debout. Et nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, celui qui fait une différence entre le fait d'être debout avant le ruku' et après le ruku', tamam, il nous dit qu'il ramène son dalil. Parce que les deux s'appellent un qiyam. Et Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disait, ou plutôt un hadith qui a été rapporté dans lequel, قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض يمينه على شماله. J'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était debout, tamam, de mettre sa main droite sur la main gauche. Sa main droite sur la main gauche, lorsqu'il était debout. Donc, lorsque tu reviens du ruku', on demande aux personnes de la majorité de la vie première, est-ce que lorsque tu deviens du ruku', tu es debout, ceci s'appelle quoi? Être debout. Lorsque tu es debout avant le ruku', qu'est-ce que c'est être debout? Donc, pourquoi, comment vous pouvez faire une différence entre le fait d'être debout avant le ruku' et après le ruku'? Il n'y a pas de différence. Celui qui ramène une différence entre les deux, celui qui prétend la différence entre les deux qiyam, les deux manières de se tenir debout, qui ramène son dalil. Et par rapport à Bartlofi, comme l'argument qui est dit, qu'ils ont tellement précisé décrit la prière d'une manière précise, que ça n'a pas été évoqué. Qu'à ça, les camps, on peut délibérer et répondre de la même manière. C'était tellement évident qu'on savait où le mal devait être, qu'ils n'ont pas évoqué cela. Ils n'ont pas évoqué cela. Ils se sont contentés d'évoquer yani que Nabi sallallahu alayhi wa sallam mettait sa main droite sur la main gauche lorsqu'il était debout. T'as? Parce que tu comprends lorsque on dit lorsque tu es debout que ça rentre dedans lorsque tu reviens de ruku', parce que tu es debout. Donc ils ont pas pris l'effort ou plutôt le soin de répéter une chose qui était bien connue. Donc Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam, l'avis qui paraît le plus juste et qui est prépondérant inshallah pour moi, t'as? C'est que tu dois mettre ta main droite sur la main gauche lorsque tu reviens du ruku'. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Nabi sallallahu le faisait. Il n'y a pas de différence entre le fait de se tenir debout avant le ruku' et ni après. Et celui qui prétend la différence entre deux choses qui sont synonymes, il doit ramener la preuve. Car le din, il fait pas de différence entre quoi? Les choses qui sont semblables. Tamam, kama qala Ibn Umar ou Umar radiallahu ta'ala anhu, thumma 'arif al-ashbah. Il nous dit, lorsque tu fais une analyse analogique, tu dois lier les choses qui sont semblables. Lie le semblable à son pareil. Donc c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il y a une différence entre les deux. Celui qui prétend, فَعَلَيْهِ بِالدَّلِيلِ وَأَنَّ لَهُ ذَلِكَ. Donc il y a كَذَلَكَ مِنْ بَابَ النَّصِيحَةِ. Comme le hada, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit, kadhalika, ça c'est pas une preuve, hein. Il nous dit que le fait de mettre ta main droite sur la main gauche, tu ressens un khushu' qui est beaucoup plus grand. Tu te sens beaucoup plus humble devant Allah Azza wa Jal, et ça c'est une chose qui a été, barakallahu fikoum, observée. Et c'est pas une preuve pour cela, lakin, Il y en a ce qui est, comme les valeurs de la prière, comme on a pu le voir, c'est que tu sois humble devant Allah Azza wa Jalla, l'humilité et la khairihi. Et tu le trouves plus dans le fait que tu sois, que tu mets ta main droite sur la main gauche, que lorsque tu mets les bras ballants. Quand même, lorsque tu mets les bras ballants tout au long du corps. Quant à la parole de l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans lequel, dans Sifat al-Salah, il a dit, هذه بضعة ضلالة, c'est un égarement. C'est une innovation qui égare. Ça, c'est une parole qui est un peu shadid. C'est une parole qui est un peu dure, même, malgré que c'est un effort d'interprétation du Cheikh Al-Albani. Lakin, wallahu a'lam, dans les sujets qui sont d'interprétation diverse, il n'incombe pas d'évoquer des paroles qui sont dures comme cela. Des paroles qui sont dures comme cela, de dire que c'est une bid'a dalala. Non, parce qu'il y en a à partir du moment que on peut dire la même chose, nous, ce catholique. C'est une bid'a dalala. Et ça ne va rien rajouter, ça, si ce n'est que attiser le feu et la flamme, yani, entre les personnes qui mettent la main sur le torse et celles qui mettent la main le bras ballant. Dans les sujets qui sont d'interprétation diverse, chacun a son effort d'interprétation et on respecte l'avis de chacun. Là, s'il y a main, notamment, si jamais yani, les personnes qui disent qu'il faut mettre et rabattre ses mains sur le corps, c'est eux qui ont des dalils avec eux. Ils ont deux hadiths. Ah, mais ceux qui disent que tu ne dois pas, ils n'ont pas de dalils. Donc, yani, qualifier une position dans laquelle une personne a des preuves, dans laquelle il a déduit une chose des preuves, tu ne dois pas le qualifier d'innovation. Car là, tu fais kadalika un effort d'interprétation et en plus sur une chose où tu n'as pas de preuves. Donc, Inch'Allah, il faut garder Inch'Allah le calme dans ces sujets d'interprétation diverses. Sans manquer de respect à l'imam Al-Albani, lakin, le fait de porter un jugement aussi dur, ça n'a pas lieu d'être. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque dans une exposition, il a ordonné de ne pas prier l'Asr jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une contrée, dans cette contrée-là. Certains des sahabas, ils ont dit, on ne prie pas l'Asr, même si jamais on le fait sortir de son heure, jusqu'à ce qu'on arrive, matnafikum, dans l'endroit que le Prophète nous a dit d'atteindre. Certains d'entre eux, ils ont dit non. Nous, on prie l'Asr, même si on n'est pas encore arrivé dans la contrée. Et le Prophète, il a voulu juste pour cela qu'on empresse le pas. Et non que on doit atteindre ce village-là ou cette contrée-là, même si jamais on n'a pas fait l'Asr. Donc, ils ont divergé pour cela. Lorsqu'ils sont venus au Prophète, il a dit ceux qui avaient compris qu'il fallait empresser le pas, ils avaient juste. Mais il n'a aucun cas réprimandé les personnes qui avaient compris la parole, qui avaient compris une autre chose de sa parole. Il n'a pas été dur avec eux. Et l'imam Al-Shinkiti, il nous dit, lorsque, c'est un livre, il y en a dans Usul Fiqh, le dernier livre qu'on étudie dans Usul Fiqh, il nous dit, lorsque la personne est dans le sujet d'interprétation diverse, elle ne doit pas faire preuve de dureté. C'est Bab al-Tanasur, tu conseilles. Tu dis, non, moi je vois que c'est kaza-kaza parce que j'ai telle et telle opinion. Amma de venir juger la jugement dur comme cela, ça n'a pas lieu d'être. وَكَانَ يَقُولَ الْإِمَامُ الشَّافِعِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا يَسْتَقِيمُ أَن نَكُونَ إِخْوَانَ وَأَن نِخْتَلَفَ فِي مَسْأَلَةٍ. N'est-il pas possible qu'on soit des frères, même si jamais on diverge dans des sujets d'interprétation diverses où la divergence elle est possible. Donc il faut rester frères, et pas évoquer ces choses-là, même si jamais nous, on n'est pas d'accord avec la parole de l'imam Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans lequel il dit, celui, à partir du moment où tu juges d'un acte, et qu'il est, c'est une bid'a, c'est-à-dire que celui qui fait cet acte-là, c'est un mubtadi'. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Parce que, yani, tu peux, c'est pas toute personne qui tombe dans la bid'a qui est un mubtadi'. Comme c'est pas toute personne qui tombe dans le kufr qui est un kafir, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Et il peut y avoir des choses qui empêchent de pouvoir juger que tu es un mubtadi', même si jamais tu as fait une bid'a. Malgré que ceci n'est pas une bid'a. Lakin, le fait de dire que toute personne qui tombe dans une bid'a, ça monte à dire, ça c'est faux. C'est totalement faux. Car il peut y avoir des choses qui empêchent cela, c'est-à-dire l'ignorance, l'effort d'interprétation. Tu as été contraint. Tu as fait une khata, tu n'as pas voulu dire cela, tu n'avais pas l'intention de dire cela. Tu savais très bien la mas'ala, lakin, ta langue t'a précédé, comment ça s'appelle, ton attention, toi-même. Donc, dans toutes ces choses-là, Barthlofikum, il ne doit pas avoir de. Il ne faut pas penser à cela. Que toute personne qui tombe dans la bid'a, c'est un mubtadi'. Comme ils veulent faire maintenant avec le Cheikh Yahya, lorsqu'il a dit que l'adhan, le deuxième adhan Yom al-Jum'ah, c'est une bid'a. Ils disent, bah, dans ces cas-là, tu es en train de dire que Uthman, c'est un mubtadi'. Non, c'est faux. C'est faux, ça. Uthman ibn Affan, il a fait un effort d'interprétation, dans lequel, inshallah, il sera récompensé. Laquelle, c'est une chose qui ne fait pas partie de la sunnah. Comme l'a dit Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, c'est pour ça que je m'efforce, dans toutes nos muqaddimah, à répéter ce athar-là. Cet athar-là que les gens se sont efforcés par passion à vouloir. Autant il y a des qualifiés qu'il est faible, alors que c'est un hadith qui est wadih as-sihha pour toute personne qui a étudié ne serait-ce. T'as pas besoin d'aller très très loin dans la science du hadith pour savoir que ce hadith-là, il est quoi ? Il est authentique et personne avant Cheikh Rabi' waffaqahu Allah n'a pu juger de ce hadith-là qu'il était barakallahu fikoum faible. Donc il y en a al-hawa et al-hawa, inshallah. On se conseille de ne pas faire précéder nos passions à la vérité et qu'à les cas d'avoir as-sakina, d'avoir d'être doux dans les mesaïl dans lesquels il y a une divergence, dans lesquels il y a une divergence. Ça c'était juste pour faire un petit tambi par rapport à cela, un petit tambi par rapport à ces choses là Inch'Allah, on va essayer de finir vite fait, on va rentrer dans ce sujet vite fait. قال رحمه الله تعالى السجود. Donc la prosternation. Quel est le jugement de la prosternation? Avant cela, se prosterner pour Allah Azza wa Jal, ça fait partie des plus grandes ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pu légiférer au 'abd. Car c'est dans la prière, dans le sujoud, que le serviteur est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال نعم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah Azza wa Jal, c'est lorsqu'il est en sujoud. Lorsqu'il est en train de demander à Allah Azza wa Jal, dans cette posture, yani dans laquelle il fait preuve d'humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala, et d'un grand respect et d'un grand honneur à son Seigneur, à celui qui l'a créé. Il se rabaisse, il pose son front, il pose son visage, qui est la partie du corps qui est la plus honorée, il la pose à terre par humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans lequel il se trouve le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les bienfaits du sujoud, c'est qu'il enlève toutes les khati'a et il t'élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été authentifié par hadith Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit: ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'a wa kataba lahu biha hasana. Il n'y a pas de serviteur qui se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré et lui efface plutôt un péché, et il lui prescrit ce sujoud parmi les bonnes actions. Comme l'a dit, ou lorsqu'il a été posé la question à Shir Yahya hafidhahu Allah ta'ala, ils ont dit: quelle est la plus grande ni'ma, tamam, et la plus grande ladha, le plus grand délice pour le abd? Il a dit hafidhahu Allah ta'ala, c'est le sujoud. Il a dit: sujoud, c'est la plus grande ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait donné dans la vie d'ici-bas. Car tu es c'est l'endroit qui est le plus proche, où tu es le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel tes doigts, tu t'es mis dans la posture dans laquelle tes doigts sont en phase d'être exaucés. Donc, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'un des sahaba, il a dit: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون قال ألك حاجة؟ أتى عن besoin à la personne qui était à son service. قال حتى كان يوم أو ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي. قال ما حاجتك؟ Lorsqu'il lui dit: as-tu un besoin? Il lui dit: نعم. Un jour il est venu, au début il dit: j'ai pas de besoin, jusqu'à un jour il a dit: نعم, j'ai un besoin. Et le messager lui a dit: c'est quoi ton besoin? قال حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. J'ai un besoin de pouvoir profiter de ton intercession Yawm al-Qiyamah. Il lui demande, Yannick, en gros, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il intercède pour lui Yawm al-Qiyamah. Il dit: c'est ça mon besoin. Faqala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam: وَمَنْ دَلَّكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ رَبِّي. Il dit: et qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il dit: j'ai ressenti ça, car Allah subhanahu wa ta'ala m'a poussé à te dire cela. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إما الله فأعني بكثرة السجود. Il dit: quant à moi, ton besoin, yani, c'est que tu fasses beaucoup de sujoud, tamam, que tu fasses beaucoup de sujoud, yani que tu m'aides à faire beaucoup de sujoud. Donc voilà le grand besoin qu'on a, ayyuha l'ikhwa, c'est qu'on soit prosterné pour Allah Azzawajal. Dans cette posture dans laquelle il y a une humilité, dans laquelle tu es proche d'Allah Azzawajal, coupé de cette dunya, tu demandes à Allah Azzawajal, dans cette posture dans laquelle il est légiféré, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Amma al-ruku' fa'azzimu fi al-rab, amma sujoud fas'alu Allah subhanahu wa ta'ala faqaminun an yustajab lakum. Et quant au sujoud, la prostration, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, car il est plus en face pour vous que vos invocations soient exaucées. قال رحمه الله تعالى ثم يقول الله أكبر وجوبا. يعني lorsqu'il a fini ses invocations après qu'il se soit redressé du ركوع, donc il doit dire الله أكبر pour aller quoi en sujoud. Et ceci يعني est authentifié par le hadith d'Abi Huraira متفق عليه, dans lequel il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يهوي وفي رواية لهما حين يهوي ساجدا. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم avait pour habitude lorsqu'il descendait pour aller en recours, pour aller en sujoud, de faire le takbir, de dire Allahu Akbar lorsqu'il allait en sujoud. Et comme l'a dit Cheikh Al-Albani, hafizahullahu ta'ala, ou rahimahullahu ta'ala, ceci est une obligation. Le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, c'est une obligation. Et ce qui nous prouve cela, hadith al-Musir Salat, celui qui savait pas bien prier, le Nabi sallam lui a dit Innahu la tatimu salatu ahadun min al-nas. Il lui a décrit les choses qu'il fallait faire. Thumma qala lahu thumma yaqul Allahu akbar thumma yasjud. Il dit incomplet sera, ou invalide, ou plutôt la prière de l'un d'entre vous sera complète à partir du moment où il fait cela, ceci, cela. Et parmi les choses qu'il a évoquées, il dit Allahu akbar, ensuite il se prosterne. Comme on a pu le voir, le hukm, le jugement des takbirs qui doivent être dits lorsque tu veux te déplacer d'un endroit à un autre, comme on a pu le voir dans un des duros, dans un des dars, même c'est que c'est wajib. Les savants, ils ont divergé par rapport à cela. Certains ont dit que c'est mustahab, car le prophète sallam n'a pas ordonné cela à celui qui ne sait pas prier. Lakin, le hadith, il y a un argument contre eux. Il a bien ordonné cela. Et kazalika, les choses qui... Et certains d'entre eux, ils ont dit que c'est un pilier. Pourquoi? Parce qu'ils disent, parmi le takbir et le tasbih, ça fait partie des valeurs de la prière. Donc si jamais tu délaisses une des valeurs de la prière, c'est comme si jamais tu n'avais pas prié. Comme le Nabi sallam, إنما الصلاة أو لا إن صلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام وإنما هي تسبيح والتسبيح التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. La prière n'incombe pas de parler pendant la prière, lakin la prière elle a été légiférée pour le takbir wa tasbih et la lecture du Coran. Donc ils nous disent que une des valeurs de la prière c'est takbir. Donc le fait de dire takbir, ça fait partie des piliers, car c'est une valeur de la prière, et celui qui délaisse une part de la prière, c'est comme si il n'avait pas prié. Lakin as-sahih, c'est que c'est un wajib. Pourquoi? Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait délaissé le tashahhud dans lequel il y a un takbir, et il n'avait pas, barakallahu fikum, pour cela recommencé la prière, mais s'est contenté de la combler par la prosternation des distractions. Ceci nous prouve que le takbir, lorsque tu te déplaces d'un endroit à un autre, même dans tous les endroits, ceci est une obligation, même si jamais il a été évoqué dans le hadith du celui qui savait prier, dont tous les énoncés font partie des piliers de la prière. Lakin, si jamais on a une preuve qui sort, qui dévie le pilier, le jugement du pilier vers l'obligation, on se doit de la dévier, et comme c'est le cas ici, comme l'a dit l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala. Donc c'est une obligation, et ceci est l'avis qui est juste. Qala wa yarfa'u yadayhi ahyanan, et de temps en temps, il levait la main pour cela. Quand on fait de lever la main, après que tu sois levé de ruku' pour aller en sujoud, c'est une chose qui n'est pas légiférée. C'est une chose qui n'est pas légiférée. Il y a des hadiths qui sont venus sur cela, hadith yani, qui a été rapporté par An-Nasa'i, dans lequel yani an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qila an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa' yadayhi kullama rafa'a wa kullama nazala. Kullama rafa'a wa kullama nazala. Lakin ce hadith là, barakallahu fikum, il n'est pas authentique. Car lorsque les savants du hadith ont regroupé toutes les versions de ce hadith-là, c'est-à-dire du terme de ce hadith-là, ils ont pu voir que dans certaines des versions, il n'a pas été évoqué le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le takbir à chaque fois qu'il descendait, à chaque fois qu'il remontait, d'un pilier à l'autre. Ils nous ont dit ça, donc la plupart des versions de ce hadith-là, il n'a pas été évoqué cela. Donc ils disent le fait que les rapporteurs ceux qui rapportent qu'il n'a pas été évoqué, cela sont des personnes qui sont qualifiées dans la mémorisation yani d'une manière qui est beaucoup plus grande que la personne qui a ajouté cela. Et il nous dit qu'adalika, les personnes qui n'ont pas ajouté, ou plutôt les savants, et ils nous disent que les personnes qui n'ont pas ajouté cela, ils sont beaucoup plus nombreux que les personnes qui ont ajouté cela. Donc il y a deux choses qui nous permettent de faire précéder l'avis, de dire que ce n'est pas légiféré de faire cela, c'est que awalan, yani les personnes qui n'ont pas rapporté cela sont plus nombreuses et sont qualifiées d'une manière yani dans lequel Rani s'apaise le plus à prendre la parole de personnes qui sont qualifiées dans la mémorisation d'une meilleure façon que ceux qui l'ont ajouté. Donc Allahu a'lam, comme l'a dit Cheikh Mohamed Ibn Hizam, cette chose-là n'est pas légiférée. Comme on va le voir, c'est légiféré que dans quatre yani endroits. Lorsque tu fais takbirat al-ihram, lorsque tu vas en rukou, lorsque tu reviens du rukou, yani le fait de lever la main, je parle là, hein, lorsque tu viens du rukou et quand tu te lèves du tashahhud al-thani al-awwal, t'as le premier tashahhud pour aller à la troisième raka. Ça, c'est les endroits dans lesquels il est légiféré de faire cela. Et on va voir qu'il y a un cinquième, ou plutôt un cinquième endroit, dans lequel il y a une divergence, qui est lorsque tu reviens, barakallahu fikoum, yani entre les deux sujoud. On va le voir, inshallah. Et il y en a certains, ils ont dit ce que tu peux, et on verra, inshallah, ça dans le cours prochain. Pour finir, قال رحمه الله تعالى الخرور على اليدين. Le fait que lorsque tu vas en sujoud, tu dois le faire en descendant sur tes mains. قال ثم يخر إلى السجود على يديه ويدعهما قبل ركبتيه. Il nous dit lorsqu'il descend en sujoud, il doit le faire avec ses mains, en faisant précéder les mains à ses genoux. Il ne doit pas faire précéder ses genoux à ses mains lorsqu'il atteint le sol. Lakin, ses mains doivent précéder ses genoux. قَالَ بِهَذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ثَابِتٌ وَهُوَ الثَّابِتُ عَنْهُ مِنْ فِعْلِهِ وَنَهَى عَنِ التَّشَبُّهِ بِبُرُوكِ الْبَعِيرِ. Il nous dit, c'est ainsi que le prophète sallam nous a ordonné, et c'est la chose qui a été authentifiée de son geste, que le prophète sallam faisait précéder ses mains à ses genoux lorsqu'il allait en soujoud. Et il a dit, nous a interdit de ressembler ou de s'identifier dans notre manière de descendre en soujoud à la manière des chameaux. قال وهو إنما يخر على ركبتي اللتين هما في مقدمتي. Il dit al-ba'ir, lorsqu'il descend, lorsqu'il descend pour se mettre s'allonger, il fait précéder, il dit Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il fait précéder ses genoux à ses mains, car comme on va le voir, yani les genoux du chameau à son compris dans ses mains, c'est-à-dire l'endroit qui est au milieu de sa patte, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent les genoux, ça, dans la langue arabe, ça c'est les genoux du du chameau. Donc le fait lorsqu'il se baisse pour se mettre assis, d'abord il met ses genoux par terre et ensuite il descend ses pattes arrière, il descend ses pattes arrière et les pattes dans l'arabe, yani, c'est dit Al-Aidi. Donc lui, il fait précéder les genoux, ensuite il met ses pattes. Donc, dans les cas, nous, il ne faut pas qu'on fasse la même chose, car le prophète nous a interdit de s'identifier à qui? Au chameau. C'est-à-dire qu'il fait précéder, il faut faire précéder les mains, ensuite on fait précéder les genoux. Certains des ulama, ils ont une compréhension fausse par rapport à ce hadith-là, qu'on va évoquer, inshallah. Ils ont dit, yani, le fait que le chameau, lorsqu'il fait descendre, yani, de ses quatre pattes-là, il fait yani, les pattes avant. C'est les pattes avant qui fait descendre Awalan. Il dit ça, c'est sa main. Ils ont pensé que ça, c'était la main. Et les pattes arrière, il dit ça, c'est le genou. Ça, c'est faux. Car dans la langue arabe, dans les dictionnaires arabes, et dans les dictionnaires qui sont relatifs aux animaux, ils vont dire que le genou du chameau, c'est quoi? C'est dans ses pattes avant. Dans ses pattes avant, son genou, c'est dans la patte avant. Et ses mains, Kazaleka, Ani, ils sont dans la patte arrière. La patte arrière et la patte avant. Ce qui va en dessous du genou, ça fait partie de la patte, ça fait partie des mains. Lakin, il met son genou avant et ensuite il descend, yani son derrière. Donc le fait qu'il a descendu derrière, c'est, il a descendu sur ses mains arrière. Donc il faut faire précéder la main et non pas le genou comme le fait Al-Ba'iyar, le chameau. Et la preuve qui nous prouve cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم, où il a été évoqué du hadith de Nabi صلى الله عليه وسلم qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, قال كان يدع يديه على الأرض قبل ركبتيه. Lakin, ce hadith-là, wallah alam, je pense qu'il n'est pas. Il n'est pas authentique, car si jamais il aurait été authentique, il n'y aurait pas de divergence. Dans lequel il nous dit, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il posait ses mains sur le sol avant ses genoux. Si jamais, c'est ma'arouf, il y en a un, ça veut dire, ils font précéder leurs genoux. Si jamais ce hadith-là il aurait été authentique, Allah alam, ils n'auraient pas divergé à ce sujet-là. Donc ce hadith-là, Allah alam, il n'est pas authentique. Même si jamais Sheikh Al-Albani l'a authentifié, Allah alam, il n'est pas authentique. Et j'ai pu regarder un peu dans les livres de Sheikh Al-Muqbil, wa kadalaka Sheikh Al-Muhammad, Ibn Hizam, mais je n'ai pas vu qu'il avait évoqué ce hadith-là. Donc Allah alam, ce hadith-là, il n'est pas authentique. Et parmi les hadiths sur lesquels ils ont divergé, c'est كان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. تمام؟ Donc il dit lorsque l'un d'entre vous va en prostration, qu'il ne fasse pas comme le fait le chameau lorsqu'il se met au sol. Et il nous dit qu'il doit faire précéder sa main sur ses genoux. كذلك الحديث là. والله علم la fin qu'il doit précéder sa main, faire précéder sa main à ses genoux. والله علم ce paragraphe là, il n'est pas authentique. كذلك Wallah alam, ils ont juste divergé par rapport au premier paragraphe qui est إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكْ الْبَعِيَرِ. Lorsque l'un d'entre vous va en prostration, qu'il ne fasse pas comme le fait le chameau. Donc Wallah alam, comme on a pu le voir à travers les dictionnaires de la langue arabe, et que les chameaux, lorsqu'ils se mettent à genoux, ou plutôt ils se mettent au sol, ils font précéder quoi? Le genou aux mains. Donc nous, il faut qu'on fasse l'inverse pour se différencier de la chose dont un Nabi nous a interdit de s'identifier. Donc il faut faire cela et pas comme le font les chameaux. Barakallahu fikoum. Inch'Allah, on se contente de cela. Le cours est un peu dur aujourd'hui. Lakin alhamdulillah. Walhamdulillah. Majalis al-Zikr, les assises de rappel dans lesquelles il est évoqué le nom d'Allah Azzawajal et dans lesquelles il est évoqué le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleures assises dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala évoque كذلك les gens qui l'évoquent. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث القدسي إذا ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خير منه. Lorsqu'il m'évoque dans une assise, je l'évoque dans une assise qui est beaucoup plus grande. Et lorsqu'il وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. Lorsqu'il m'évoque, تمام, au fond de soi-même, au fond de lui-même, je l'évoque كذلك au fond de moi-même. Donc الحمد لله هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. Dans ce siècle dans lequel on vit, dans lequel il y a des fitanes, de pouvoir s'asseoir autour du kitab et de la sunna, afin de se rappeler les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihu fi d-din » Celui dont Allah azza wa jalla veut un bien, il lui facilite la compréhension et l'application de sa religion. Et sur ce, si jamais vous avez des questions, inshallah, ou sinon, on conclut sur cela. Et inshallah, comme on a pu, j'ai pu l'évoquer, Inch'Allah, on va mettre en place un séminaire qui sera en direct d'InSpeak. Et si on peut même Hatta Belux, ce serait bien. Parce que Belux, afin qu'on fasse profiter les personnes qui sont arabes des Muhadarat. Peut-être qu'il y a les Muhadarat, avant cela, je voulais dire qu'on va faire un séminaire qui va parler sur le Minhaj. Qui va parler sur le Minhaj, qui aura pour titre Inch'Allah, Ad-Difa' an Minhaj al-Salafi. La prise de défense pour le minhaj al-salafi. Ce séminaire-là, Inch'Allah, il aura lieu dans 2 semaines, si tout se passe bien. Au pire des cas, dans 3 semaines. C'est-à-dire, je veux dire, dans 1 semaine maintenant, ou bien dans 2 semaines. Yani avant Ramadan, à kulli hal. Et on vous fera part, Inch'Allah, de cela. Si on peut le faire la semaine prochaine, là, c'est-à-dire samedi prochain, on le fera. Et ça aura lieu, Inch'Allah, à la mosquée des Champigny, et ça sera retransmis à la kafi, InSpeak. Fi InSpeak, avec la participation des deux chers Abu Amr Al-Hajwari Hafizahullahu Ta'ala et Cheikh Yahya, pour clôturer Inch'Allah le séminaire. Donc Inch'Allah samedi ce sera Abu Amr entre le Maghrib et l'Isha, c'est-à-dire pour l'Asr chez vous, pour l'Asr chez vous, et dimanche après l'Asr Kazalika chez vous, ce sera Cheikh Yahya Hafizahullahu Ta'ala. Donc il y aura plusieurs sujets qui seront évoqués, et les horaires ce sera il y aura un cours le matin à 10h30, c'est-à-dire à 10h moins le quart de chez vous, ensuite un autre à 12h30 ou à 12h50, un autre à 2h, ensuite un autre cours à 3h30 et un autre à 5h15, et après l'Asr, ça sera Cheikh Yahya ou bien Cheikh Abu Amr. Samedi c'est Cheikh Abu Amr et dimanche ça sera Cheikh Yahya. Donc Inch'Allah, à tout casser, ce sera dans 2 semaines. Et si possible, Inch'Allah, samedi prochain. On laisse Allah yaj'al fihi al-khayr wal-baraka. Faddal. Celui qui est précédé, pendant qu'il se relève. Qui est présidé, tu veux dire ? Celui qui est présidé pendant qu'il se relève. Il dit Samir Allahu liman hamida. Non, celui qui est présidé doit dire Rabbana wa kalhamdi. Il ne dit pas Samir Allahu liman hamida. Celui qui est présidé ne doit pas dire Samir Allahu liman hamida. Il doit dire Rabbana wa kalhamdi. Comme a dit le Messie sallam, il a dit Samir Allahu liman hamida, faqulu Rabbana wa kalhamdi. Si l'imam dit Samir Allahu liman hamida, dites Rabbana wa kalhamdi. Donc, celui qui est présidé ne doit pas dire ça. Hatta wallahu alam. On va reposer la question. Ce qui est d'apparence, c'est lorsqu'il est debout. Car le Nabi sallam kana yaqul rabbana wa kalhamd wa huwa raki wa huwa na'am wa huwa rafi'an wa huwa qa'iman. Le Nabi sallam disait rabbana wa kalhamd lorsqu'il était debout. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, hafidhahu Allah ta'ala, rahimahu Allah ta'ala, il a dit yani na'am. Il avait dit quoi? Il a dit fa innahu qala yaqul fi hadha na'am. ويقول في هذا المقام في هذا القيام ربنا ولك الحمد يعني لسك خلف قال وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتمن donc c'est une chose qui est une obligation de dire lorsque la personne revient du ركوع يعني pour toute personne qui est prêt, même celui qui est présidé قال فإنه ورد القيام lorsque tu dis ربنا ولك الحمد c'est lorsque tu es debout c'est-à-dire l'endroit où tu dois dire c'est lorsque tu es debout وأما تسميع فورود الاعتدال أما c'est-à-dire lorsque tu dis Sami' Allahu liman hamida, c'est lorsque tu te redresses. Donc yani, là, à travers la parole de Cheikh Al-Albani, on peut comprendre que, et wallah alam, c'est ce qui est juste, que tu dis Rabbana, que celui qui est présidé comme celui qui préside doivent dire Rabbana walakal hamd lorsqu'ils sont debout. C'est un hadith qui prouve cela. Que le Prophète le faisait lorsqu'il était debout. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي priez comme vous m'avez vu priez on va faire comme lui donc Allah alam c'est ça qui est la vie qui est juste comme l'a dit Cheikh Al-Albani que celui qui est présidé doit le dire lorsqu'il est debout Rabbana wa lakal hamd et non pas yani comme c'est le cas de certaines personnes lorsqu'ils se redressent donc inshallah sur ce on se contente de cela. يلا السلام عليكم ورحمة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى مع تحية دمات أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين